Sophonie chapitre 3. Malheur à la ville gloutonne et souillée, et qui ne fait qu'opprimer. Elle n'a point écouté la voix, elle n'a point reçu d'instruction, elle ne s'est point confiée en l'Éternel, elle ne s'est point approchée de son Dieu. Ses princes sont au-dedans d'elle des lions rugissants, et ses gouverneurs sont des loups du soir, qui ne quittent point les os pour les ronger au matin. Ses prophètes sont des téméraires, et des hommes infidèles, ses sacrificateurs ont souillé les choses saintes. Ils ont fait violence à la loi. L'Éternel juste est au milieu d'elle, il ne fait point d'iniquité, chaque matin il met son jugement en lumière, sans que rien n'y manque, mais l'inique ne sait ce que c'est que d'avoir honte. J'ai exterminé les nations, et leurs forteresses ont été désolées, j'ai rendu déserte leur place, tellement que personne n'y passe, leurs villes ont été détruites, sans qu'il y soit resté un seul homme, et sans qu'il y ait aucun habitant. Et je disais, au moins tu me craindras, tu recevras instruction, et sa demeure ne sera point retranchée, quelque punition que j'envoie sur elle. Mais ils se sont levés de bon matin, ils ont corrompu toutes leurs actions. C'est pourquoi attendez-moi, dit l'Éternel, au jour que je me lèverai pour le dégât, car mon ordonnance est d'amasser les nations, et d'assembler les royaumes, afin que je répande sur eux mon indignation, et toute l'ardeur de ma colère, car tout le pays sera dévoré par le feu de ma jalousie. Même alors je changerai au peuple, leurs lèvres en des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tout le nom de l'Éternel, pour le servir d'un même esprit. Mes adorateurs qui sont au-delà des fleuves de Chu, savoir, la fille de mes dispersés, m'apporteront mes offrandes. En ce jour-là tu ne seras plus confuse à cause de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi, parce qu'alors j'aurai ôté du milieu de toi, ceux qui se réjouissent de ton orgueil, et désormais tu ne t'enorgueilliras plus de la montagne de ma sainteté. Et je ferai demeurer de reste au milieu de toi un peuple affligé et chétif, qui auront leur retraite vers le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne feront point d'iniquité, et ne proféreront point de mensonges, et il n'y aura point dans leur bouche de langue trompeuse, aussi ils paîtront, et feront leur gîte, et il n'y aura personne qui les épouvante. Réjouis-toi avec chant de triomphe, fille de Sion, jette des cris de réjouissance, ô Israël, réjouis-toi, et t'es gai de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a aboli ta condamnation, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, tu ne sentiras plus de mal. En ce temps-là on dira à Jérusalem, ne crains point, Sion, que tes mains ne soient point lâches. L'Éternel ton Dieu, est au milieu de toi, le puissant te délivrera, il se réjouira à cause de toi d'une grande joie, il se taira à cause de son amour, et il s'égayera à cause de toi avec chant de triomphe. Je rassemblerai ceux qui sont affligés à cause de l'assemblée assignée, ils sont sortis de toi, ce qui la surchargeait, ne sera qu'opprobre. Voici, je détruirai en ce temps-là tous ceux qui t'auront affligé, je délivrerai la boiteuse, je recueillerai celles qui avaient été chassées, et je les ferai louer et devenir célèbres, dans tous les pays où ils auront été couverts de honte. En ce temps-là je vous ferai retourner, et en ce temps-là je vous rassemblerai, car je vous rendrai célèbres, et un sujet de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs en votre présence, a dit l'Éternel.